Sorgia. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Une sélection des plus belles chansons d'amour et grâce, bien sûr, à Arlette. Hello, bonjour à tous. Bonjour Hubert. Bonjour Arlette. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi, Arlette. Les chansons françaises concernant l'amour sont inépuisables. Ça, c'est une évidence. Je ne me lasserai jamais de parler de ces belles chansons d'amour. Hubert, oui. Quand on est deux, ce n'est pas la même chose. C'est bien connu. En 1977, Nana Mouskouri chante « Quand on est deux, c'est toujours le printemps », écrite par André Gorager et Claude Lemel. « Quand on est deux, c'est toujours le printemps », Nana Mouskouri. L'hiver a beau nous parler de flocons, l'été a beau nous parler de moissons, l'automne peut ruisseler de vin blanc, quand on est deux, c'est toujours le printemps. Je veux connaître tous les horizons, mais je n'irai pas par quatre saisons. J'irai par celle qui donne 20 ans. Quand on est deux, c'est toujours le printemps. Sylvain, auteur-compositeur de ses chansons, enregistre en 1991 un album intitulé « Aimer, c'est se donner » qui est aussi le titre de la principale chanson de ce disque. Et comme toujours, nous restons sous le charme. « Aimer, c'est se donner » André Sylvain. Aimer, c'est même oublier ton nom pour ne penser qu'à son prénom. Quand on donne, on le fait toujours sans condition. Aimer, c'est dire oui quand le corps dit non. C'est oublier ses ambitions pour ne penser qu'à être doux, qu'à être bon. Aimer, ses caresses et ses cheveux, c'est l'embrasse et sur le front, c'est la tendresse qui a raison de la passion. Aimer, c'est toujours tenir sa main, quand les coups durs du destin viendront assombrir un jour son horizon. Aimer, c'est bien plus grand quand on se donne. Si on te fait mal, faut que tu pardonnes. L'amour, ça fait souvent pleurer. Aimer, c'est s'oublier pour celle qu'on aime.

Au revoir à tous. On a vraiment pris du bon temps, Arlette. Mais c'est toujours avec plaisir. Alors à la semaine prochaine. Au revoir, Hubert. Au revoir, Arlette. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. À mezzanotte in punto si sente un gran rumore. Sono gli spariolanti, le rilerà, che vanno a lavorare. Volta, rivolta e torna, rivolta. Sono gli spariolanti, le rilerà, che vanno a lavorare. Tutti gli scariolanti san fare bene l'amor. Ad ogni bionda e mora le rilerà, danno un bacin d'amor. Volta, rivolta e torna, rivolta. Sono gli scariolanti, le rilerà, che vanno a lavorare. Sono gli scariolanti, le rilerà, che vanno a lavorare. Dansez en ligne maintenant sur Sorgia FM. Un petit Madison, ça ne fait jamais de mal. Petits agneaux, allez mettez toute la gomme, voilà le Madison. Quand j'entends cet air, j'ai un moral maximum, c'est chouette le Madison. Faut de la souplesse et des jambes en chewing-gum pour faire le Madison. Jean-Robert, Paulette, Antoine, Léon et Simone, dansons le Madison. C'est bon le Madison, c'est bon le Madison, c'est bon, c'est bon, c'est bon le Madison. Oh, c'est bon le Madison, c'est bon le Madison, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On croyait pourtant cet tempo là dans les pommes, mais c'est le Madison. Le rythme est parfait, j'entends le saxo qui résonne, bravo le Madison. C'est décontractant et quelque part ça étonne, c'est ça le Madison. Et tapez dans vos mains, balancez bien, c'est la forme avec le Madison. C'est bon le Madison, c'est bon le Madison, c'est bon, c'est bon, c'est bon le Madison. Oh, c'est bon le Madison, c'est bon le Madison, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La souplesse et des jambes en chewing-gum pour faire le Madison.

maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a encore passé un excellent moment cette semaine grâce à toutes ces belles chansons, toutes ces belles musiques qu'on vous propose chaque semaine. Merci encore d'être à l'écoute de votre émission Dansez Maintenant. Merci à toute l'équipe, bien sûr Christophe et bien sûr Arlette. On vous retrouve même heure, même station dès la semaine prochaine. Je compte sur vous. Merci encore. Je vous embrasse. La vie est bien peu de choses. Sur la terre il faut être deux, c'est votre douceur et votre chaleur qui sait rendre les hommes heureux. Et tous les bouquets de roses, j'aimerais vous les offrir. Comme cette chanson, c'est avec passion qu'aujourd'hui je voudrais vous dire. Le bonheur n'est rien sans vous, je vous aime par-dessus tout, et votre sourire, c'est mon avenir, alors moi je vous l'avoue. Le bonheur n'est rien sans vous, vous mon rêve le plus fou, c'est vous mon plus beau roman d'amour. Ce que m'apporte une femme dans la lumière de ses yeux, c'est comme un bonheur qui nous rend meilleurs, qui brille dans notre ciel tout bleu. Ce petit supplément d'âme mène au chemin du désir. Comme cette chanson, avec émotion, aujourd'hui je voudrais vous dire. Le bonheur n'est rien sans vous, je vous aime par-dessus tout, et votre sourire, c'est mon avenir, alors moi je vous l'avoue. Le bonheur n'est rien sans vous, vous mon rêve le plus fou, c'est vous mon plus beau roman d'amour. C'est vous mon plus beau roman d'amour. Sorgia FM.